La bonneterie dans les Cévennes, deuxième chapitre. Ganges compte plus de 4000 habitants. Qu'on se figure une petite ville assez propre, assez gaie, disposée à 150 mètres d'altitude, au centre d'un immense cirque, sans débouché apparent, constitué de montagnes calcaires grisâtres, mouchetées de vert par des massifs clairsemés, d'yeuses et de kermesses. D'un côté de la ville, l'Hérault, qui vient de quitter l'arrondissement du Vigan, Gard, pour arroser le département qui porte son nom, écoule dans un lit très large ses eaux limpides et poissonneuses au régime inconstant. De l'autre côté se creuse le Talweg, non moins large, du torrent de Sumen, toujours desséché, sauf en hiver ou à la suite d'abondants orages. Quelques maisons isolées ou petits hameaux s'accroche au flanc des montagnes. Le fond de la cuvette est planté de vignes et mûriers, dont la riche tonalité de verdure contraste avec la teinte grisâtre de nombreux oliviers épars. Des prairies irriguées, mais de peu d'étendue, bordent l'Hérault. À Ganges, les vignes sont nombreuses et prospères, comme il convient à une localité voisine de la zone de grande production du vin. Toutefois, l'œil d'un propriétaire du bas pays reconnaîtrait immédiatement, en dehors d'un ou deux grands domaines, les imperfections de la culture. On sent que le précieux arbuste n'est plus le facteur unique, exclusif de l'aisance du pays. C'est aux portes de Ganges qu'a été reconnu, il y a quelques années, un foyer de Black Rot, éteint aujourd'hui, dont la menace a fort inquiété les viticulteurs du Bas-Languedoc qui espéraient auparavant n'avoir rien à redouter d'un fléau pareil vu le climat de la région. Aussi, plus d'un professeur départemental du Midi, plus d'un agronome a-t-il accompli le pèlerinage de Ganges. Espérons que la question toute curieuse qu'elle puisse être pour un empélographe perdra tout intérêt dans l'avenir. Ganges possède un chemin de fer depuis de longues années et communique sans difficulté avec Saint-Hippolyte, Le Vigan, Alais et même Nîmes. Par une singulière anomalie, les rapports les moins directs sont ceux vers Montpellier, chef-lieu administratif. Peu importe à nos lecteurs l'histoire des débuts de la bonneterie ordinaire, puis de la bonneterie de luxe à Ganges. Ils furent d'abord modestes, car pendant longtemps, Ganges n'a été connu que par ses tanneries et l'excellence de ses moutons. Mais vers la fin de l'Ancien Régime, la fabrication des bas de soie y fonctionne avec beaucoup d'activité. La soie n'y est pas moulinée par l'intermédiaire de moteurs mécaniques, mais ovalée à la main par des procédés primitifs qui n'en donnent pas moins de la marchandise supérieure. Grâce à une coïncidence des plus heureuses, non seulement la soie provenant des cocons du pays est magnifique, mais les eaux de l'Hérault, très pures, sans être trop crues, donnent après blanchissage ou décreusage un lustre inimitable à la soie. Ganges envoie alors ses produits à l'étranger, dans toutes les directions. Toute l'Europe, les États-Unis et par l'Espagne, toutes ses colonies, sont tributaires de l'humble bourgade cévenole. Sans doute la tourmente révolutionnaire dut nuire gravement à une industrie toute de luxe. Pas tant qu'on serait tenté de le croire, car à la fin du consulat, le maire de la ville, interrogé sur l'émigration qu'elle a subie dans le personnel des travailleurs, ne constate le départ que d'un petit nombre d'ouvriers, faiseurs de bas de coton ou monteurs de métier, qui ont passé en Espagne avec leur famille, emportant leurs outils. Aucun artiste en teinture n'a suivi leur exemple. L'époque impériale ne favorise qu'incomplètement l'industrie gangeoise. D'une part, en effet, la guerre d'Espagne, à partir de 1808, enlève de précieux débouchés. D'autre part, les splendeurs de la cour de Napoléon Ier, les efforts du souverain pour encourager le luxe à Paris et en province, l'annexion de nombreux territoires à l'ancienne France, les modes des hommes et encore plus celles des femmes concourent à faire travailler les manufacturiers de Nîmes et de Ganges. Avec la restauration, le commerce à l'étranger se dégage de ses entraves. Néanmoins, la prospérité de Ganges subit une nouvelle et grave atteinte provenant du triomphe de plus en plus complet de l'affreux pantalon long. Aussi, la fabrication de la bonneterie pour hommes se restreint-elle de plus en plus et aujourd'hui même se réduit à peu de choses. Ganges, à présent, tisse encore des chaussettes de soie, des bas noirs pour accompagner la culotte courte des snobs et des bas en soie blanc pour recouvrir les mollets des domestiques en grande livrée, mais seulement à titre d'accessoire. De nos jours, la coupe de la robe de bal est la même, qu'il s'agisse d'une sauterie, d'une grande soirée dansante ou d'une réunion de cour. Sous le Premier Empire et sans doute aussi sous la Restauration, l'étiquette imposait entre les deux toilettes féminines une différence très appréciable. Nous voici en apparence éloignés de notre sujet. Mais non, car cela nous amène à dire que, loin de traîner comme à présent, les jupes des danseuses mondaines étaient relativement écourtées et ne s'allongèrent que bien des années plus tard. Cette mode, enfin, sauva d'une ruine complète l'industrie gangeoise, car elle exigeait des jeunes femmes en grande tenue de bal l'exhibition de bas de soie d'une élégance irréprochable, et précisément l'usage les imposait blancs, ce qui favorisait les produits de Ganges renommés pour leur éclat. Arrêtons-nous un peu sur cette période déjà ancienne, mais sur laquelle nous pouvons fournir quelques renseignements recueillis par tradition ou extraits de divers documents officiels. Ganges, presque aussi peuplé qu'à présent, renferme alors une faible majorité protestante. Son importance agricole est médiocre ou nulle. Ses mûriers nombreux et soignés produisent annuellement 20 000 kg de cocon, dont la valeur moyenne est de 3 francs 25 environ, d'où résultent 19 000 kg de soie filée, rendant jusqu'à 46 francs le kilogramme. 800 métiers occupent 500 à 600 ouvriers et notre petite ville lance annuellement dans le commerce 30 000 paires de bas de soie. Les moins fins se vendent 7 francs la paire et les extra fins jusqu'à 12 francs, en dehors bien entendu des articles exceptionnels qui peuvent monter à des prix bien plus hauts lorsque la délicatesse du tissu se rehausse par la richesse des jours. Les blancs, répétons-le encore, sont incomparables, mais les noirs laissent un peu à désirer par rapport aux articles similaires de Paris. La couleur présente des reflets puces désagréables et la soie trop chargée en teinture perd une partie de ses qualités intrinsèques. Dégorgeables, les bas se décolorent au lavage et salissent le pied. D'où l'habitude, qui n'est pas encore tout à fait disparue, de faire en blanc la semelle du bas. L'industrie de la bonneterie de soie se pratique à domicile, en famille. Le père est bonnetier, comme l'a été l'aïeul et comme le sera le fils. Nos braves gens sont glorieux d'exercer leur profession qui, par le fait, exige un long apprentissage et n'est pas accessible aux premiers venus. Leur outil, le métier à bas, qui n'a subi, depuis de longues générations, que des modifications ou perfectionnements de détails, est souvent le même que celui ayant servi aux ancêtres de l'ouvrier. Quelquefois, les petites transformations du mécanisme résultent de son expérience ou de celle de ses voisins, car, à Ganges, tous les faiseurs, même peu instruits, deviennent bientôt mécaniciens par instinct, savent réparer les mille petits accidents de leur machine et les prévenir. D'ailleurs, les métiers à bas sont toujours confectionnés par des spécialistes du pays dont plusieurs font breveter leurs inventions. De même, tel ouvrier jouriste, illettré, qui cherche à varier les dessins découpés dans les mailles soyeuses de son tissu, déploie beaucoup d'ingéniosité et de savoir-faire. Nous avons vu chez des travailleurs des croquis déjà anciens destinés à servir de modèle pour les bas à jour ayant paré nos aïeuls dans leurs soins de grande toilette qui témoignent d'un goût remarquable et d'une extraordinaire facilité d'invention. Et cela, bien entendu, sans que l'homme eût appris à manier un crayon. Quoique, à la rigueur, l'ancien métier puisse être conduit par une femme, l'épouse et les filles de l'ouvrier s'occupent plutôt à coudre et à broder. Suivant le docteur Villermé de l'Académie des sciences morales et politiques, qui a dressé en 1836 un tableau de l'état moral et physique des ouvriers employés dans les manufactures de coton, laine et soie, les ouvriers de soie du Bas-Languedoc et ceux de Nîmes sont intelligents, laborieux, nullement ivrognes. En revanche, Villermé les trouve peu instruits, pas économes et dépourvus de prévoyance. En revanche, il ajoute que les bonnetiers à Nîmes comme partout forment une classe d'artisans à part, plus propres que les autres, plus rangés, plus économes, de meilleures mœurs et plus aisés, malgré la modicité de leurs gains. Nous sommes heureux de reproduire un tableau si flatteur qui n'a rien perdu de sa vérité, au contraire. De plus, les mêmes bonnetiers ne connaissaient pas le chômage. Nos vieux faiseurs de bas de ganges s'habillaient assez grossièrement. Ils travaillaient chaussés de sabots et coiffés d'un bonnet de coton enfoncé jusqu'aux oreilles, opérant tantôt à la lumière du jour dans un atelier bien clair, tantôt à la lueur d'une lampe associée à un globe de verre rempli d'eau qui se montait classiquement le 9 septembre, date de la foire du Vigan. Au rebours de beaucoup d'autres ouvriers, le bonnetier, obligé qu'il était de ne pas communiquer la moindre souillure à son travail en blanc, se lavait fréquemment les mains. Comme Diogène et comme beaucoup de méridionaux, il humait volontiers l'économique chaleur du soleil au coin de sa porte. Il prenait le cagnard, suivant l'expression locale, avant de reprendre sa besogne. Nos braves gens avançaient leurs tâches de façon à terminer leur bas le samedi matin et chômaient ce jour-là à partir de midi. Les plus dissipés se rendaient à Laroc, petit village situé en aval et à 2 kilomètres de Ganges, pour boire du vin blanc ou se livrer à des parties de boules ou bien encore s'exercer au jeu de maille. D'autres, les plus sérieux, cheminaient la bêche sur l'épaule jusqu'au mazet ou maisonnette entourée d'un lopin de terre, d'un carré de vigne et cultivaient leur minuscule domaine. Le lundi, même travaux pour les uns, même récréation pour les autres. Le dimanche, le repos, scrupuleusement observé chez les catholiques comme chez les huguenots, était interrompu par le nettoyage et l'huilage du métier qui ne fonctionnait à nouveau que le mardi. Il ne faut pas oublier une particularité assez curieuse et que nous-mêmes avons remarquée chez d'anciens faiseurs de bas. Le goût inné des bonnetiers pour la pêche et leur adresse à capturer truites et écrevisses de l'Hérault. Il faut de l'exercice et du grand air pour amender la nature un peu sédentaire de la profession. Mais inversement, l'abus de travaux agricoles gâte la main. Pour les ouvriers suffisamment cossus, la pêche remplit très bien le but désiré. Fin du deuxième chapitre.